André Suarez, poète, essayiste, écrivain français né à Marseille en 1868, effectue son premier voyage en Italie à l'âge de 27 ans, en 1895. Par la suite, il y séjournera à plusieurs reprises, parfois longuement, jusqu'en 1909. Ses voyages lui inspirent des réflexions, des descriptions ou des critiques esthétiques ayant pour objet aussi bien des villes, des paysages, des peintures, des sculptures ou d'autres œuvres d'art, que des personnages historiques ou des personnes de rencontre. Rassemblé une première fois en 1910 sous le titre de « Vers Venise », ces textes seront complétés ensuite par deux autres importants ensembles publiés dans les années 30. Aujourd'hui, premier volet du voyage vers Venise. Page arrachée au voyage du comte d'Authière d'André Suarez. Premier livre, Vers Venise. Extrait. Haec est Italia. De Faido à Côme, en septembre. J'ai laissé les Alpes dans la nuit. J'ai descendu les degrés d'une nature grise et noire. J'ai quitté un espace morne, hérissé de forêts malheureuses, pour une autre contrée qui s'abaisse aimablement, qui s'offre et qui s'étale. Et le ciel n'est plus le même. Le gai matin a le réveil du coq. La lumière ne se lève pas, elle sort comme si elle s'était cachée. Elle arrive d'un bond, rayonnante et chaude. L'air vif appelle au jeu la matinée bleue et blonde. Tout était dur, roide et vertical. À présent, les formes prennent la molle aisance des courbes. Toutes les lignes cherchent, avec une sorte de tendre désir, à épouser l'horizon. Les monts même n'ont plus rien d'austère, et sur les sommets, les ruines sont joyeuses. On les regarde sans croire au temps ni à la guerre. Elles ne sont là que pour orner le paysage. Ce ne sont plus les pignons qui cherchent noix aux nuages ou qui les piquent, coinçant la brume. Les toits sont plats. Des piliers les portent, comme une tente ouverte sur la maison. Les coteaux de la vallée sont des jardins. La vigne y court en arc, en festons de fête. Les villes ont des noms qui chantent comme des oiseaux. Bellinzona gazouille et fait rire. Lugano roucoule. Porlezza bat de l'aile et Bellagio fait la roue. La lumière surtout, la lumière est un nouvel espace où l'on baigne. Les corps en sont pénétrés. Elle caresse les surfaces comme une peau, elle les imprègne. J'y nage et mes yeux ravis n'ont pas besoin de se fermer dans ce fluide. En vérité, quand là-haut sur la terrasse, au-dessus de la ville, je découvre Lugano et le lac, la lumière a déjà trop d'éclat. Voici l'Italie. C'est elle, que la vie semble légère. Et léger, c'est trop peu dire, tout le pays a l'air liquide dans la clarté. La vie y flotte comme une eau qui épouse tous les bords de la durée. Les femmes ont les yeux ardents, pleins d'un feu caressant et sombre. Elles portent aux oreilles de larges anneaux d'or, et le bout du lobe fait chaton de rubis à la bague jaune qui brille. La démarche de ces créatures est leur premier charme. Elle promet le bonheur dans un noble abandon et la volupté dans le rythme. Elle ne se jette pas grossièrement dans l'amour, mais elle le fuit moins encore. Elle fait une promesse qui sera tenue aux hommes de la race. Elles vont, souples et lentes, sur un rythme royal et fauve, à la joie qu'elles annoncent et qu'elles attendent. Beaucoup ne sont que de belles bêtes. Leur grâce est trop pétillante pour des femmes. Leur corps est trop court ou trop rude dans la maigreur. Elles semblent violentes et passives. Elles ont trop de feu noir, d'un bois qu'il faut allumer pour qu'il s'enflamme. Enfin, elles ne sont point dangereuses. On ne sent pas en elles ces ardentes ennemies qu'il faut réduire. Qu'on est loin du nord, à Lugano. La petite ville sur le lac est un nid de félicité. L'air est suave, doux et câlin comme la plume. L'ombre brille, elle est trempée de soleil liquide. La clarté joue autour des piliers, dans les rues à arcades. Au-dessus des chapiteaux informes, la barre d'appui est tendue, corde grossière de l'arc. Et les ruelles étroites, de coude en coude, fuient entre des maisons trop hautes. La chaussée de granit luit comme une eau œillée d'huile au fond d'un puits. Il fait frais dans ces venelles profondes. Sur le dos, les femmes et les jeunes garçons chargent de vastes hottes en forme de ruches renversées. Le marché en plein vent éclate des mêmes couleurs que les corsages et les jupes, le rouge et le jaune cru, le vert et le cacadois. Les fruits sont trop gros et d'une senteur si lourde qu'ils ont un goût de musc. Les raisins, en olive, ont la taille des mirabelles et, sous la peau noire, la chair molle est verte comme l'algue. Les gourdes violettes des aubergines frôlent les fesses des melons. Et les pommes d'amour en tas sont si rouges et d'un si beau feu qu'elles triomphent dans ce parterre de légumes, telles les roses parmi les fleurs. Une vieille, au profil aigu de Sibylle, vend des œillets à l'odeur enivrante. Ils sentent la peau brune et le piment. De l'eau bleue coule dans une vasque moussue. Une jeune fille, la cruche sur l'épaule, va à la fontaine, comme Rachel ou l'esclave de Nausicaa. Sa gorge immobile est serrée dans une guimpe blanche et ses hanches ondulent sous la jupe écarlate. Elle a le pas d'une prêtresse. Ses gestes sont hiératiques, tous ses mouvements sûrs et larges. Elle est simple avec noblesse. Et sans être ni éteinte ni triste, elle est grave. Devant les portes, sous les tentes qui enferment une ombre presque violette, les vieilles gens se saluent en causant. Ils ont des traits terribles et des manières puériles. À Sainte-Marie, on sonne pour un mort. Mais personne ne s'attriste. Chacun prend son parti de la mort pour les autres. Dans l'église, claire, laide et dorée, les femmes prosternées remuent ardemment les lèvres et des enfants courent. Il y a même un chien. La vapeur d'encens est piquée par les flammes des cierges. Les hommes attendent sous le porche. Ils sont solennels et ridicules. Ils ont par moments une ombre héroïque et parfois une réalité absurde. Je les admire si je veux, et si je ne veux plus, ils me donnent à rire. On en rencontre qui feraient de magnifiques assassins. On leur suppose le couteau dans la manche et la même férocité dans l'âme que sur le visage. Ils ont le front boucané, le nez en coin, le menton en serpe et la peau trois fois cuite. On se raille de soupçonner en eux le crime, puis on se rappelle que les meilleurs régicides sortent de ces cantons, ceux dont le poignard, bien poussé de bas en haut, ne manque ni sa reine ni son homme. Toute vie, pourtant, paraît heureuse sur les bords de ce lac que le ciel dédie à l'idylle. Qu'est-ce que le bonheur, pour la plupart des êtres mortels, sinon la certitude de l'amour? Cette terre est une terre d'amour. Ils ne sont même pas vêtus comme des gens qui pourraient porter le deuil. On dirait qu'ils figurent dans une comédie amoureuse. Culottes et guêtres aux jambes, le feutre vert sur la tête, la veste d'ocre au ton de rouille ou de morille, ils vont monter à l'échelle de corde. Ils sont équipés pour la vengeance et le rapt. Au bout du compte, ils flânent en espérant l'heure de la soupe. Ils sont trop vifs, hors de propos, mimes de la tête aux pieds, et tout visage est toujours au bout de l'expression. En voilà un qui choisit un concombre. Il y met un sérieux fatal. Il mangera cette petite courge en cannibale. D'autres, un mouvement d'envie leur prête autour des lèvres vertes l'amertume de Iago. Dans un geste de refus ou d'ennui, ils ont l'allure de l'homme qui veut se jeter à l'eau pour en finir avec le monde. Qu'ils sont souples et félins. Une certaine joie de vivre leur tient lieu de penser. Quand ils se mettent à rire, ils rient à torrent. Ils ne semblent ni bons ni méchants, pouvant être à l'excès l'un et l'autre. Cette aisance à vivre tout entier dans le moment, comme elle étonne l'homme de l'Occident et comme elle le délasse. Et qu'est-elle donc après tout ? une lumière qui vient de la nature aux hommes et qui les persuade. Et le visage de l'homme la rend ensuite à la nature. Comme la suavité de l'air et la douceur du climat invitent à ne plus porter que des étoffes transparentes, on ne pense plus à déguiser sa volonté. Et elle montre que tout est volupté pour elle, du moins tout ce qu'elle cherche. Et dans une église, sur le quai, au bord du lac, une grande fresque de Luini, blonde, confuse, légère, une vision que les yeux recueillent, qui les flatte mais que le cœur ne désire point garder et dont l'esprit ne s'émeut pas. On passe, et la belle image est déjà loin. Et, y pensant, l'on doute que demain elle soit encore là. Elle se sera évanouie avec tout le reste du prestige. Il n'importe. Tout est fête ce soir, et même le crépuscule est sans mélancolie. Un excès de gaieté pétille et d'impertinente ivresse. Je ne résiste plus. Une certaine et chaude sérénité, comme un sommeil de la conscience, peu à peu me gagne. Un désir animal de goûter toute sensation, presque sans choix, ou, pour le moins, de laisser la chair choisir entre tous les plaisirs, à sa guise. Et la nuit vient. On chante sur le lac. On chante le long des quais et des jardins, on chante dans la ville. Sous les arbres, dans leurs robes de noces tissues par la lune, les tierces justes s'éparpillent. C'est l'Italie, la terre de Catulle et de Virgile. La divine Italie est cette ivresse et ce premier parfum. Peut-être n'est-il point d'Italie que pour les hommes de 20 ans et les femmes amoureuses, car les femmes n'ont jamais que 20 ans quand elles aiment. Et c'est bien le pays qui a toujours 20 ans. C'est l'Italie. C'est l'Italie. À Bellagio sur le lac et à Cerbelloni sur Bellagio, on est à la fourche des eaux. La vue de Cerbelloni ne laisse rien échapper. Elle offre tout le pays sur un plateau de vermeil. Bellagio, c'est Bellaise. Vers le ponant, la Tremezzina se dessine, le jardin dans le parc des voluptés lombardes, une colonnade de marbre sur une main de terre se profile dans l'eau. La Villa Carlotta, la Villa Poldi, les noms de Milan chers à Stendhal, mais les Milanais n'y sont plus, il me semble. Même un village s'appelle Dongo, comme Fabrice. Des ruines riantes, de vieux châteaux, d'antiques tours, des torrents lointains, pareils à un fil de lait sur la montagne, tout est plaisir dans la lumière. Point de deuil. Et si j'ai cheminé le long d'un cimetière, je n'y crois pas. Je descends vers le lac. Des oranges mûres pendent sous la feuille longue. Et comme des éclairs brillants qui sortent de la terre, les lézards filent sur les cailloux d'argent. Belle comme un sentier royal, une allée de grands cyprès s'abaisse, toujours plus large, vers la marine. Autour d'un clocher carré, plein de ciel et de soleil, les pointes des cyprès piquent l'espace de lances pacifiques et l'odeur rayonne du bois incorruptible. Dans le clocher, un rayon d'or fait corde à la cloche. L'allée finit sur l'eau éblouissante. Au-delà, sur l'autre rive, dans les forêts de la montagne, les demeures blanches dorment, repues de clarté, comme des brebis sur une pente. Une barque est amarrée dans les fleurs. Tandis que les flots du lac multiplient languissamment son sourire, des femmes étendues sourient vaguement à leur propre langueur. Elles sont toutes en blanc, comme des fleurs. On dirait qu'elles attendent aussi qu'on les cueille. Une pensée plane entre le ciel et l'eau, comme un oiseau invisible. C'est que tous les voiles ici ne sont que d'un moment, un écran fragile entre la volupté et le désir. La grâce du lac est ainsi faite d'aménité et de complaisance. Ce n'est pas la mer, ni ses tragédies brusques, ce n'est pas le fleuve et son éternel renouvellement. Le lac est le miroir du séjour. Tout y fait scène et tableau dans un cadre juste, et partout la montagne y enferme un monde clos sur son bonheur. Le devoir n'a plus de sens, la durée n'a plus de plan, tout est dans l'instant et le plaisir est le seul espace. Ces jeunes femmes aux bras nus, ces têtes ployées, cette langueur que le rythme de la gorge soulève si doucement, comme un autre flot où l'on ne résiste pas, quelle plage voluptueuse! Les regards et les paroles roucoulent, toutes les colombes ne sont pas bromées. Ô terre complaisante! Assurément, c'est ici que Pandarus a pris femme après la chute de Troie. La page des violons. Juin à Crémone. Dans le violon, l'orchestre a trouvé sa voix, plus qu'humaine. De l'humble boîte à une corde inventée par les Celtes jusqu'au violon, que de lents progrès, que de recherches, et quelle longue suite de générations. Mais ici, on s'arrête, c'est la perfection. Le violon est le roi du chant. Il a tous les tons et une portée immense, de la joie à la douleur, de l'ivresse à la méditation, de la profonde gravité à la légèreté angélique, il parcourt tout l'espace du sentiment. L'allégresse sereine ne lui est pas plus étrangère que la brûlante volupté. Le râle du cœur et le babil des sources, tout lui est propre. Et il passe sans effort de la langueur des rêves à la vive action de la danse. Notre violon n'a plus changé depuis tantôt 4 siècles. Il est tel que l'ont légué à la musique les luthiers de Crémone, vers 1550, avec les 4 cordes accordées en quinte, le manche étroit, et l'ardente volute qui fait chapiteau au bout du chevillet. Qu'il est beau ce violon, de couleur et de forme. Ses lignes sont un poème de grâce. Elles tiennent de la femme et de l'amphore. Elles sont courbes comme la vie. Et tant de grâce exprime l'équilibre de toutes les parties, la fleur de la force. Dans un violon, tout est vivant. Si je prends un violon dans mes mains, je crois tenir une vie. Tout est d'un bois vibrant et plastique, aux ondes pressées. Ainsi, l'arbre, le violon brut de la forêt, rend en vibration tous les souffles du ciel et toutes les harmonies de l'eau. C'est pourquoi il ne faut qu'un rien pour changer la sonorité du violon. Le chevalet un peu plus haut ou un peu plus bas, plus étroit ou plus large, et le son maigrit ou s'étouffe, s'altère et pâlit. Le grand Stradivarius en a réglé la forme et la place pour toujours. Les luthiers de Crémone voyageaient dans le Tyrol pour y choisir les bois les plus purs, les plus belles fibres et l'érable le plus sonore. Tout est beau dans le violon, tout a du prix. Au moindre détail, on reconnaît l'accord de l'instinct musical et d'une raison, d'une étude séculaire. Les tables sont voûtées selon un calcul exquis. L'évidement des côtés est d'une grâce comparable aux plus suaves inflexions de la chair qui sinue de la gorge aux hanches. Cette scotie d'un galbe si ferme et si tendre n'est pas d'un trait moins sûr que la nacelle des plus pures corolles. Et les ouïes sont les plus belles intégrales. Dans le violon visible, je suis toujours tenté de reconnaître le corps divin du son en croix, le chant sur le saint bois du sacrifice. Et le grand violoniste, quand il va donner le premier coup d'archet, semble toujours le grand prêtre d'un culte voué aux enchantements. Son geste est une incantation. Au-dedans de ce corps sensible sont logés les organes les plus délicats, qui font le mystère du timbre. Les tasseaux et les coins, le ruban des contre-éclisses, la barre, qui est le système nerveux du violon, et l'âme, qui en est vraiment le cœur très véridique. En déplaçant l'âme, on déplace le son. Voilà la merveille de vie sonore avec les 83 pièces qui la composent que les luthiers de Crémone ont portées à la perfection. Les luthiers sont venus comme Crémone se fermait au monde. La commune est morte. Crémone n'est plus qu'un champ de bataille pour les armées du Nord. Les soldats de Charles Quint y mènent un train d'enfer. Le sac et les sacrilèges, la pillerie et les meurtres, les églises à feu, les couvents violés... Les hérétiques allemands cirent leurs bottes avec les saintes huiles. Crémone a subi toutes les formes de la violence et de l'outrage. Depuis, toute la ville dort, mais elle fait de la musique. Toute la force de la race se replie alors dans les luthiers et réside en eux. Ce furent de fameux hommes. Ils conduisaient jusqu'à l'extrême limite une vie harmonieuse, enthousiaste et pure. Ils sont magnifiques comme des patriarches et vénérables par la longévité. Trois Amati de père en fils suffisent à remplir deux siècles. André Amati, le chef de l'illustre famille, est né en 1500. Son petit-fils, Niccolo, est mort en 1689 à 88 ans. Il est lui-même le bon maître d'Antoine Stradivari, son gendre, le luthier immortel. Et celui-ci, ayant vécu plein de sagesse et d'amour pour son art, s'en est allé presque centenaire. Ils sont de très bonne souche. Un Amati, homme noble, a joué un rôle à Crémone 5 siècles plus tôt, et son nom est dans les chroniques de l'an 1000. Chez tous ces artistes, on sent la plus forte tradition de métier et la plus belle discipline. Leur passion pour le bel instrument n'est jamais satisfaite. Tantôt, comme Jean-Paul Maggini, ils font de très grands violons qu'ils voûtent dès les bords. Tantôt, ils cherchent un modèle plus petit. Le génie de chacun se marque à la couleur de la pâte. Le vieil Amati aime le vernis un peu clair et la douceur d'un ton apaisé. Maggini se plaît au jaune-brun, les deux Guadagnini au rouge ambré, Guarneri au rouge sourd. Quant au grand Stradivarius, que son vernis soit rouge ou jaune, il est toujours trempé de lumière et nourri d'or. Les Amati sont les Mozart, les Stradivarius, les Beethoven. On ne peut les échanger. Il faut n'y rien entendre pour le croire. L'Amati est charmant, fin, délicat et fort, mais toujours plein d'élégance. Parfois exquis, parfois même d'une sensibilité extrême, mais cette voix n'est pas faite pour l'orage. Elle a du soprano et du beau monde. Racine, enfin. Ton d'argent. Le matin. Le Stradivarius est géant. La passion même. Un son si puissant, si ardent qu'il vous brûle et vous emplit. L'élégance s'efface sous la force. Le feu est ce qu'il y a de plus élégant. Mais qui y pense tandis qu'il dévore? C'est le mâle, le ton d'or, le crépuscule de juin. Et Guarneri del Gesù entre les deux. Il est parfois d'un charme inimitable. Il touche au Stradivarius avec on ne sait quoi de plus rare, un timbre d'une profondeur merveilleuse. C'est le vieil or vert, la nuit d'été sous la lune, iseux au désespoir. Certes, ils sont sacrés aux musiciens, ces héros de Crémone. Ils devraient l'être aux peintres également. La forme de quelques instruments est d'une beauté parfaite. Et quant au ton du vernis, les luthiers de Crémone sont les plus grands coloristes de l'Italie, hormis le seul Titien. Ô divin violon, brins enfants de Crémone, plus beau que l'or du soir, vous êtes fait de sang et de chair et d'amour et de tout ce qui sent la passion qui chante et follement résonne. Votre voix est une âme, un feu d'ardeur naissant, le baiser de l'aurore au verger de Pomone, le soupir de Didon, le cri de Desdémone, un grand désir blessé, un grand désir blessant, pétale d'harmonie, ô claire chanterelle. L'archet vous fait gémir comme des tourterelles et vous penchez le col, violette des pleurs. Vous êtes l'accent pur, le parfum des paroles, et dans les prés du ciel, c'est vous qui chantez, fleurs, oiseaux du paradis, violons et viols. C'était Page arrachée au voyage du condottiere d'André Suarez. Premier livre, Vers Venise. Extrait. Texte dit par Nicolas Racca. Groupe de réalisation, Clémence Grosse, Marie Le Peintre, Élodie Royer, Étienne Vallès. Voyage du condottiere d'André Suarez est publié aux éditions Granit.